L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Le dimanche 19 octobre, la Maison des Fêtes et de la Culture de Blainville-sur-Loup accueillera le marché des couturières et des loisirs créatifs. C'est organisé par les Cousettes solidaires de la MFC. Et pour nous en parler, nous avons au téléphone Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les Cousettes solidaires et puis votre rôle, vous, au sein de la MFC? Les Cousettes solidaires, ce sont 25 couturières qui se réunissent à peu près une fois par mois pour coudre essentiellement pour les hôpitaux. Tout ce que nous cousons, nous le donnons. Donc, nous sommes deux à gérer l'activité, Sylvie et moi-même. Et nous organisons pour la troisième fois un marché des couturières qui aura lieu à la Maison des Fêtes le 19 octobre de 9h à 17h. Voilà, c'est la troisième édition. Alors pourquoi vous avez lancé justement ce marché des couturières et des loisirs créatifs? Il existait il y a quelques années par le comité des fêtes de Blainville, mais ce comité n'existe plus. Donc vu que l'activité prenait de plus en plus d'ampleur, on a décidé de remettre au goût du jour le marché des couturières. Qu'est-ce que les visiteurs vont pouvoir découvrir sur place? Nous avons une trentaine d'exposants. Ce sera essentiellement donc des tissus, de la mercerie, du matériel de loisirs créatifs. On autorise aussi la vente de créations, du tricot. Et vu que la MFC, c'est un ensemble en fait de 13 activités, on aura une démonstration de vitrail et de dentelle, de deux autres activités de l'association qui viendront sur le marché. Pas mal de démonstrations, des ateliers, pas mal de stands. C'est un événement que vous destinez à quel public ? Toutes les personnes qui aiment créer des choses, que ce soit en tissu, en laine, en papier, pour trouver du matériel de seconde main. Tous les âges sont les bienvenus parce qu'on peut démarrer tôt. Oui, oui. Nous, notre plus jeune couturière a 12 ans avec nous. On a déjà eu des enfants de 8 ans. Et on a déjà fait aussi des ateliers avec la jeunesse de Blainville et de Damelevière. Donc c'est le dimanche 19 octobre, c'est de 9h à 17h, on pourra se restaurer sur place ? Il y a une petite restauration sur place et c'est accès à mobilité réduite sans problème. Et l'entrée est gratuite. Et l'entrée est gratuite, c'est important de le signaler. Voilà. Merci beaucoup Delphine. Peut-être je vous laisse le dernier mot, un dernier argument pour donner envie aux auditeurs de venir à Blainville-sur-Loup le 19 octobre prochain. Venez nous rencontrer, voir tout ce qu'on fait comme belles choses qu'on offre aux hôpitaux et puis soutenir notre association. Et nous aurons aussi un stand d'Octobre Rose puisque nous sommes en octobre. Et vu que nous donnons beaucoup de choses aux hôpitaux, voilà, nous aurons aussi des choses pour Octobre Rose qui partiront directement à l'ICL, à Nancy. Bel événement organisé par les Cousettes solidaires le dimanche 19 octobre prochain. C'est de 9h à 17h. C'est à la Maison des Fêtes et de la Culture de Blainville-sur-Loup. Merci infiniment, Delphine. Merci. Bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.